explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Pour la dernière de l'été, nous vous proposons de revenir sur deux bivouacs mettant les animaux à l'honneur. D'abord, nous nous lancerons sur la piste d'animaux mythiques que des explorateurs ont cherché en vain, tels le monstre du Loch Ness ou le Yeti. Après tout, se lancer à la poursuite d'un animal dont l'existence est hautement improbable, c'est une bonne façon d'être sûr de prolonger indéfiniment le voyage. Pour nous accompagner dans cette ultime quête, nous aurons pour guide Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Du Yeti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie » aux éditions de La Martinière. Puis nous nous intéresserons à des animaux bien réels cette fois, qui ont effectué des périples incroyables parce que les hommes l'avaient décidé ainsi, tels Leica, la chienne cosmonaute, ou encore Zarafa, la girafe offerte à Charles X. Mais pour l'heure, nous partons sur la piste du Yeti. En Écosse, les milliers de touristes qui attendent une nouvelle apparition de Nessie. Nessie, vous savez, le monstre du Loch Ness, sont assez inquiets. Ils n'ont pas encore vu le monstre et pourtant, les recherches scientifiques sont, cette année, particulièrement poussées. Deux sous-marins spécialement aménagés doivent partir à sa recherche. Le directeur du bureau d'investigation des phénomènes du Loch Ness est très pessimiste. D'après lui, le monstre est décédé des suites de manque de saumon, seule nourriture de la bête. Donc, après 1300 ans de loyaux services, tout le monde se pose la question, le monstre est-il vraiment mort ? Quand on ne trouve pas un animal légendaire, il est toujours possible de dire qu'il est mort. Extrait du journal de 13h de France Inter, le 18 juillet 1969. Bonjour Benoît Grison. Bonjour. Alors le monstre du Loch Ness est peut-être l'animal emblématique de ces animaux auxquels beaucoup de gens ont cru et croient encore pour certains, alors qu'il n'y a pas objectivement pas grand-chose pour en attester l'existence. Tout à fait. Il est l'animal emblématique de la cryptozoologie. Ouais. Et en même temps le plus contestable. Ouais. Non seulement son existence n'a pas été prouvée, mais elle a fini par être infirmée. Ouais. Voyez. La cryptozoologie, c'est quoi? Vous avez déjà cité ce nom. Qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie? Oui, alors, la cryptozoologie, si vous voulez, c'est un peu la rencontre de l'imaginaire culturel et de l'inventivité de la nature. La cryptozoologie, c'est tous ces animaux énigmatiques que des gens ou des peuples traditionnels disent connaître ou avoir vus et que pour l'instant, on n'a pas pu faire rentrer dans les classifications naturalistes, dont on n'a pas pu prouver l'existence à ce jour. Est-ce que c'est considéré comme une science, la cryptozoologie? Alors, on ne peut pas dire que ça soit une science établie. C'est un carrefour disciplinaire entre l'ethnologie, la zoologie classique, la sociologie. Mmh. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une approche cryptozoologique sérieuse, ce que j'essaie sans pédantisme de porter, vous essayez d'évaluer ces créatures énigmatiques que les gens connaissent et croient voir, et il y a très peu de canulars, hein, le problème en général c'est pas la sincérité des gens, et les évaluer pour voir si elles tombent plutôt dans les classifications des zoologistes ou plutôt dans les classifications des ethnologues en tant qu'objet imaginaire culturel. Mmh. C'est de l'ethnologie. La cryptozoologie. Ouais. C'est perçu comment par on va dire, la grande majorité des scientifiques, ce carrefour interdisciplinaire, comme vous l'avez appelé. Et alors, la perception est très variable. Vous avez certains collègues qui en font sans savoir, c'est-à-dire que par exemple, quand dans la forêt de Guyane, ils entendent parler d'un rongeur inconnu par les autochtones, qui recoupent les descriptions et qui finissent par le trouver, c'est arrivé, ils font de la cryptozoologie sans le savoir. Et puis il y en a qui la font en connaissance de cause, mais qui ne veulent pas prononcer le terme. Ouais, parce que c'est quand même un peu mal vu. Hein, oui, c'est un peu sulfureux. Ouais. Il faut dire quand même que je vous parlais de cryptozoologie sérieuse, qui est à ce moment-là une sorte d'ethnozoologie, à la rencontre du biologique et du mythe culturel. Mmh. Mais il y a quantité de personnages, je dirais flamboyants, c'est nitote dans la cryptozoologie, au cours des sortes de cryptozoologie. On va dire pittoresque. Ouais, pittoresque. Alors, il y a aussi eu quelques canulars, quelques aberrations qui n'ont pas aidé à faire de la cryptozoologie quelque chose de très sérieux. Par exemple, le monstre de Montauk. C'était un malheureux écureuil qui souffrait d'une pelade, voilà, un malheureux écureuil gris, qui n'avait plus de pelage, plus de fourrure. Vous savez, un mammifère sans fourrure, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos d'Daniel d'ours sans fourrure, souvent ça fait atroce, et même ça fait fait créature de science-fiction. Donc, si vous voulez, quand il y a des observateurs naïfs ou des gens qui sont dans la cryptozoologie de type machine à fantasmes, vous pouvez voir des animaux inconnus partout, alors qu'en réalité, non. Il faut évaluer la qualité des témoignages, voir s'il y a eu méprise ou pas sur ce que la personne a vu, et puis la crédibilité écologique du témoignage. Après, il y a à peu près 10 millions d'espèces vivantes, hein, tout type d'organismes confondus. Et les optimistes disent même 20 ou 30 millions. Donc il y a matière, il y a encore des animaux à découvrir. Et pas seulement des insectes qui représentent à peu près 50% du lot. Alors pour équilibrer la balance, on parlait du monstre de Montauk qui était complètement une idée tordue. Mais il y a aussi eu effectivement des animaux que l'on n'a pas pris au sérieux au début qui finalement existaient bel et bien. Par exemple l'ornithorynque. Exactement. Au tout début du XIXe siècle, en 1800-1801, quand les premiers spécimens d'ornithorynques arrivent en Occident, la réaction des zoologistes de l'époque, et c'était le début vraiment de la zoologie scientifique, c'est de la taxidermie. On aurait dit de nos jours de la taxidermie d'art, vous savez, ces taxidermistes un peu pervers qui s'amusent à faire des chimères à partir de parties anatomiques de différents animaux. Il faut peut-être rappeler à quoi ressemble un ornithorynque. Voilà, c'est un animal australien qui est le rescapé d'un groupe de mammifères très très ancien puisqu'il pond des œufs. Comme devaient pondre certains reptiles mammaliens des œufs, parce que les mammifères descendent de reptiles mammaliens. Et cet ornithorynque, il a un bec de canard, un aiguillon venimeux sur les pattes postérieures, et puis il est amphibie. Il a une tronche de canular, en fait. Et il a une tronche de canular, et puis il a une belle fourrure de mammifère, parce que c'est un mammifère, hein, même si c'est un mammifère très particulier. Donc, effectivement, Blumenbach, qui était un des fondateurs de l'anatomie comparée en Allemagne, quand il a vu son spécimen d'ornithorynque, dans un premier temps, il a dit canular, il a cherché les coutures, il les a pas trouvées. C'était bien un animal réel. Bon, on parlera dans la suite de cette émission de cas illustres, hein, comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness. Bien sûr. Mais commençons par l'un de ces animaux cachés moins connus, à la recherche duquel un homme, Michel Ballot, s'est lancé depuis une dizaine d'années à la frontière du Cameroun et de la République du Congo. Je vous laisse écouter. Et dis-moi, t'as jamais vu cette bête-là ? Oui. Non, on appelle ça Mokelembembe. Pour lui voir, ce n'est pas n'importe comment. Dans une année, il sort deux fois. Mais moi, j'ai vu ça peut-être deux fois comme ça. Là. Mais qui est très rare. Il est rare. Très rare. Et est-ce que tu crois qu'il y en a avec cornes et d'autres sans cornes ? Bon, la femelle, il n'a pas de corne. Ah. La tête, comme le mouton, pas de corne. Bon, maintenant, le mâle, là, son corne, là, il est un peu comme ça, là. Bon, avec un peu des traces, un peu blanc, ici, là, au milieu. Ah oui, ce sont des stries. Au milieu, oui. Et maintenant, il prend seulement les deux cornes des éléphants, là. Bon, et maintenant, il part avec ça pour faire son lit. L'hypothèse du Mokelembembe de Marie Voynier, sortie en 2012. Oui. C'est un extrait de ce documentaire. Je ne le connaissais pas, moi, avant le Mokelembembe. Oui. Apparemment, là-bas, il est connu comme une légende. Certains prétendent l'avoir vu. La description est quand même un petit peu étrange. Oui, alors le Mokelembembe, c'est une créature mythique qu'on rencontrerait, j'utilise le conditionnel, en Afrique centrale. Donc, dans les deux Congos, et puis au Cameroun, mais pas n'importe où, hein. Dans les zones de forêt des pluies, de forêt dense, inondées une grande partie de l'année. Et ça serait un animal qui aurait le corps de la taille d'un éléphant, un long cou, et une allure vaguement reptilienne en termes de silhouette. Mmh. Alors bon, on peut tout de suite ricaner, et moi, avant d'étudier cette question, j'avais tendance un peu à ricaner. C'est-à-dire qu'on se dit comment on a pu louper un tel animal. On se dit, avec une taille pareille, on a dû le voir passer quand même. Et puis il y a autre chose, parce qu'encore ça, si vous voulez, on y reviendra, c'est des zones qu'il est très, très, auxquelles il est très difficile d'accéder. Il faut y aller à pied, il n'y a pas d'autre moyen encore aujourd'hui, hein, pas d'hélicoptère, etc. Ça prend des jours, bon. Mais surtout, le Mokelembembe fait un peu penser, si vous voulez, à une description de dinosaures sauropodes, vous savez, le brontosaure, ou le diplodocus, tel qu'on l'a concevé dans les années 1900-1920. C'est-à-dire, à l'époque, on pensait qu'ils vivaient dans les marécages, qu'ils auraient été trop lourds pour se déplacer sur Terre. C'est pas vrai. Ils se déplaçaient sur Terre, ils étaient très rapides et tout. Et alors, on peut tout de suite se dire, voilà, les gens, au moment de la colonisation, sous l'influence de la vulgarisation scientifique, créent cet animal mythique. Or, quand on étudie la question, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que depuis au moins le XVIIIe siècle, les missionnaires le signalaient. Bon. Après, la question, c'est de savoir ce que c'est. Si ça existe, certainement pas un dinosaure, c'est ridicule, et Michel Ballot lui-même ne défend pas cette idée. Soit un grand mammifère amphibie, adapté donc à la forêt des pluies, soit peut-être un grand varan. Moi, ça me paraîtrait une hypothèse assez intéressante, c'est-à-dire un lézard de très grande taille. Bon, le gros problème, c'est d'arriver à démontrer l'existence de cet animal, à le faire sortir de cette zone grise entre existence et inexistence. Parce que les sceptiques continueront à vous dire, et cet argument a de la force, ah ben c'est facile de placer tels animaux dans des zones quasiment inaccessibles. Bon. Et puis, les gens comme Michel Ballot vous diront, attendez, quand vous allez dans ces zones-là, vous réalisez que tout est possible, et c'est vrai que ça a la taille du Luxembourg, hein, la zone qu'il investigue lui, elle n'a pas été visitée par des naturalistes compétents dont Michel Ballot est depuis la Belle Époque, donc il y a encore des possibilités de découverte. Le gros problème, c'est de savoir si tout ça est vrai ou un mythe placé dans un endroit écologiquement crédible. Et ça, il faut recouper les témoignages pour ça. Il faut voir si les gens ne se contredisent pas, s'ils n'ont pas intérêt à vous raconter aussi n'importe quoi. C'est un problème ethnozoologique classique, c'est-à-dire qu'il y a des catégories attrape-tout. Par exemple, dans le domaine maritime, le serpent de mer, à chaque fois qu'un marin sincère, je veux dire, il y a des canulars. Voyez un animal allongé ou de grande taille qu'il n'identifiait pas, autrefois il l'appelait serpent de mer. Bon. Et en même temps, derrière le serpent de mer, il y a eu toutes sortes de choses. Le requin-baleine, le régalèque, qui est le plus grand poisson osseux qu'on connaisse. Allez, dans un instant, nous allons nous intéresser à des cas plus connus, ceux du Yeti et du monstre du Loch Ness. Pour sa dernière, le temps d'un bivouac se lance dans une quête impossible sur les traces d'animaux légendaires. Animal, on est mal, et si on mal, et Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu reconnaîtra les siens. Oui, Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu reconnaîtra les siens. Animal, et Dieu reconnaîtra les siens. C'était Animal, on est mal de Gérard Manset et Deus sur France Inter. Eh bien, Milou, qu'est-ce qui te prend ? Alors, toi nous croire maintenant ? Nous, les partis ! Yeti, mangez-nous, ça y est ! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges ! Alors, comment vous expliquez traces ? Alors, ce sont des traces d'ours. Les ours aussi marchent parfois sur leurs pattes de derrière. Non, ça y est, pas ours, Yeti. Oh, et puis tonnerre de Brest, y a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir. Descendons, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme ! Le capitaine Haddock, très remonté contre ce Yeti et sa légende, c'était un extrait de Tintin au Tibet. Oui. Ça a fasciné Hergé, hein, cette histoire de Yeti, oui, au point d'en faire une histoire. Mais en fait, il était conseillé par le fondateur de la cryptozoologie sous sa forme moderne, Bernard Heuvelmans, qui était un zoologiste franco-belge, extrêmement brillant, atypique et aussi audacieux, hein, avec lequel ses collègues n'étaient pas toujours d'accord, mais un homme remarquable. Et il avait donné toute sa documentation sur le Yeti, cet animal problématique, à Hergé, pour qu'il prépare cet album en cohérence avec ce qu'on disait, hein, au Népal, au Bhoutan, au Tibet, sur le Yeti. Voilà. C'est un animal, là encore, qui peine à rentrer dans les catégories zoologiques. C'est un animal aux frontières du mythe. Oui. En fait, je dirais qu'il est bicéphale, il a deux têtes, le Yeti. Mmh. C'est-à-dire, à l'est du côté du Tibet, il a l'air d'un ours. Mais terriblement, et pour cause. Visiblement, celui qu'on appelle Yeti au Tibet, c'est ce qu'on appelle l'ours bleu des Himalayas. C'est une variété d'ours bruns très rare, extrêmement puissant, extrêmement agressif, qui s'attaque au bétail, mais beaucoup plus que l'ours brun ordinaire, qui s'attaque parfois à l'humain, bon, et qui est extrêmement mythifié. C'est un animal que redoutaient les Tibétains d'autrefois. Et alors, vous savez, comme l'ours peut marcher sur ses pattes postérieures, etc., il a été transformé en un homme sauvage par les Tibétains. Donc, ce Yeti-là, on peut l'oublier, même s'il recouvre un animal fascinant, celui qu'on appelle le grizzly himalayen. Il y a l'ours bleu du Tibet. Et puis, alors, plus à l'ouest, dans toute cette région que les biogéographes appellent région orientale, le Bhoutan, le Népal, etc., là, on décrit un Yeti qui serait un grand singe. Et là, bien entendu, on n'est pas obligé de prendre au sérieux les témoignages, mais les témoignages qui sont cohérents entre eux décrivent une sorte d'orang-outan et qui est bien un grand singe parce que quand il est dérangé, il s'enfuit à quatre pattes. Et alors on peut se dire, tiens, que vient faire un orang-outan dans les Himalayas ? D'abord, il ne serait pas en train de vivre dans les régions neigeuses, mais dans des forêts denses, hein, de haute altitude, des forêts de magnolia, de rhododendron, dont la faune est mal connue. Et deuxièmement, il y a environ 100 000 ans, et ça c'est vraiment la porte à côté d'un point de vue géologique, eh bien, il y avait des orang-outans continentaux en Asie, y compris dans cette région, qui étaient plus grands que les orang-outans actuels, qui sont hélas en train de se raréfier. Donc, pourquoi pas une survivance tardive de orang-outan continental au Bhoutan et au Népal ? Mais à mon avis, s'il y a existé, il a disparu. Parce que même dans ces régions-là, ces forêts sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Alors il y a énormément de témoignages qui prétendent l'avoir vu, hein, et à différentes époques. On a toujours l'impression qu'il ne peut plus nous échapper, hein, qu'il est plus très loin. Écoutez, Pierre Ichac, photographe, cinéaste, grand reporter et explorateur, nous sommes en 1958 sur l'ORTF. Pierre Ichac, nous allons attaquer un sujet très sérieux qui est celui du bonhomme des neiges. Eh bien oui, c'est ce fameux et abominable, ou soi-disant abominable homme des neiges. Eh bien, nous apprenons par un coup de téléphone de notre correspondant à Moscou, que vient de confirmer une dépêche, que pendant 9 mois, des savants russes ont mené une très grande enquête et ont conclu à l'existence de cet homme des neiges, sous des noms divers, dans la chaîne de l'Himalaya, dans le Pamir, le Tian Shan et jusqu'à la lisière de la Mongolie. Il semble même qu'en 1947, on aurait capturé un homme des neiges vivant et que sa peau serait conservée dans un monastère bouddhiste. Ceci vient d'ailleurs confirmer un débat qui avait eu lieu dans un récent congrès anthropologique à Moscou, Un savant mongol, le professeur Rinchen, avait signalé que des manuscrits mongols du XIe et du XIIIe siècle faisaient allusion à un animal qu'on appelle Alma, ou homme sauvage, et qui correspond assez bien encore à notre homme des neiges. Et d'autres histoires plus récentes et encore plus curieuses, il semble que pendant la guerre, des sentinelles mongoles auraient tiré sur des hommes qui passaient et qu'elles prenaient pour des japonais, et auraient abattu ainsi trois êtres assez grands, très bronzés, dit-on, et couverts d'un poil abondant, qui était encore peut-être notre homme des neiges. Vous me direz, est-ce que finalement cet homme des neiges existe? Bon, on serait tenté d'y croire. On serait tenté de plus en plus d'y croire. Je crois qu'un jour, nous verrons sa peau d'une façon complète, son squelette, et peut-être en verrons-nous de vivant. Pierre Ichac, en 1958, ouais. Sur l'ORTF. Il y croit, à ce Yeti, Pierre Ichac. Il a l'impression que c'est pour bientôt. Bon, 60 ans après, on l'a toujours pas vu passer. Mais, très honnêtement, c'est pas le seul explorateur que j'ai croisé qui croit à l'existence du Yeti. De quoi, Benoît Grison, on dispose aujourd'hui comme élément tangible qui atteste de l'existence de cet abominable homme des neiges? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a trois pistes qui ont été relevés et qui ne semblent pas être des pistes d'ours. La meilleure étant celle qui a été relevée par Cronin, Edward Cronin, un naturaliste américain qui faisait une étude écologique dans les vallées de haute altitude au début des années 1970. Et un beau matin, en sortant de sa tente, il a relevé une série d'empreintes qui n'étaient pas du tout ursines, qui n'avaient pas pu être déformées par recristallisation, par modification thermique, parce que c'est encore tout gelé. Bon. Et lui, ça a emporté son adhésion. Il a dit, c'est une sorte de grand singe, apparenté à l'orang-outan. Bon. Mais bon, c'est quand même, peu l'avocat du diable, mais c'est quand même toujours des empreintes et en plus des récits de personnes qui ont les empreintes. Il y a les témoignages qui, eux, sont très cohérents entre eux quand on élimine quelques canulars, et qui donc renvoient une description, grosso modo, d'orang-outan terrestre. Il y a aussi des poils. Alors, il y a deux groupes de poils, si je puis dire. Il y a ceux qui renvoient à des poils d'ours. Alors ça ne nous apprend rien, parce qu'on sait bien que l'ours rentre dans la genèse du mythe du Yéti, notamment au Tibet, j'en parlais tout à l'heure avec l'ours bleu. Et puis, il y a des poils d'ours qui, par contre, ont été examinés au muséum, donc en 1985, et qui, eux, ont été considérés comme des poils de primates, visiblement. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'une pièce anatomique minuscule comme ça pour décrire une nouvelle espèce, bien sûr. Alors, pour être aussi très clair, le Yéti, c'est le singe qui cache un ensemble bien plus vaste. Ouais. Il y en a d'autres dans d'autres régions de la planète, mais des mythes, des animaux dont on suspecte l'existence. Du même genre, il y a le Bigfoot, qu'on appelle aussi le Sasquatch en Amérique du Nord. Il y a l'Almasti dans le Caucase. Il y a aussi à Sumatra, l'Oran Pendek, l'orang-outan, là c'est l'Oran Pendek. Je vous propose d'ailleurs, parce que des gens y croient, vont sur le terrain, essayent de les débusquer. Ouais. Nous sommes avec deux Britanniques persuadés de l'existence de l'Oran Pendek. Ils traquent ses empreintes en pleine jungle à Sumatra. Vous pouvez voir l'empreinte avec les doigts de pied, vraiment clairement. Left side. Côté gauche, côté droit. Elle est un peu plus grande que ma main, avec des doigts très épais. Il a vraiment des mains énormes. Massive hands. Alors c'est très étonnant de les voir dans le documentaire plus long. C'est un extrait du documentaire « Yéti, y es-tu » de Christophe Killian pour Arte. Mmh. Et à ce moment très précis, même les caméramans, l'équipe qui suit ces deux Anglais est un peu surprise, dit « il y a peut-être eu manipulation, mais nous on ne les a pas quittés, on a campé avec eux, on a vu personne s'échapper du campement, on débarque sur un bout d'île, a priori personne n'y allait avant nous, et effectivement on tombe sur des empreintes suspectes ». Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des animaux tangibles aussi qui ont été trouvés, la cryptozoologie concernant ce qu'on appelle les gros dossiers, le Bigfoot, le Yeti, etc., peine à sortir du mythe. Vous, pour qu'on comprenne bien votre position, c'est d'être ouvert et d'essayer de voir ce qui peut éventuellement exister et de partir sans a priori. Voilà. On peut en citer un ou deux exemples maintenant. Il est arrivé dans la cryptozoologie qu'on parte à la recherche d'animaux suspectés et qu'on finisse par les trouver. Bien sûr. Lesquels? lesquels alors ? Alors, par exemple, il y a eu toute une moisson, si j'ose dire, de grands mammifères à la fin des années 1990 dans le Nord-Vietnam. Et il y a John McKinnon, qui est un primatologue spécialiste des mammifères et cryptozoologue écossais, qui s'est illustré dans cette moisson de nouvelles espèces, puisqu'il a trouvé plusieurs cervidés nouveaux, alors ce qu'on appelle des moonjacks, dont les mâles ont de curieuses petites défenses. Mmh. Et puis, il a trouvé surtout un animal d'un type tout à fait nouveau, une espèce de chèvre démesurée, tellement démesurée qu'elle ressemble à une antilope, on la prenait pour une antilope au départ, le Saola. Et comment a-t-il procédé ? À chaque fois par méthode cryptozoologique, c'est-à-dire il est dans les village, il recensait ce que savaient les gens sur la faune locale en mammifères. Et puis quand il tombait sur des cas qu'il n'arrivait pas à identifier, il recoupait les descriptions. Si elles étaient cohérentes entre elles, il demandait qu'on lui ramène des pièces anatomiques, une peau, des cornes, et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Saola, et puis il remontait la piste. Donc il y a des cas qui fonctionnent parfaitement. Le calmar géant, rétrospectivement, on s'aperçoit aussi l'architeutis qui peut faire jusqu'à 17 mètres du haut du manteau jusqu'à l'extrémité des tentacules, dont les yeux peuvent atteindre la taille d'un ballon de volley-ball, ce qui est incroyable. Eh bien, l'architeutis était mythique, a nourri le mythe du Kraken pendant des siècles, et puis jusqu'au jour, on l'a décrit en 1853. Oui. Sauf que, peut-être qu'effectivement, les océans, c'est le dernier endroit où on se dit, effectivement, sous cette masse gigantesque d'eau, à des endroits où on peut descendre à des kilomètres de profondeur, il est possible qu'on n'ait pas tout trouvé. C'est l'espace de tous les possibles biologiques, parce qu'en fait, la surface du fond des océans est moins bien connue que la surface de la Lune. Et ce n'est pas une boutade, c'est les spécialistes qui le disent. Donc là, il y a énormément de choses à trouver. Et bien sûr, la cryptozoologie marine a bien plus d'avenir que celle qui porte sur les continents. Alors, on va voir ce qu'il en est pour celle des lacs. Dans un instant, file en Écosse sur les traces de la bête la plus célèbre de la cryptozoologie, le monstre du Loch Ness. Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Des larmes roulent sur tes joues, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore, quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas, on ne s'inquiétera pas pour toi, tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sans blague. À quoi tu joues, où tu vas abîmer ton cœur, à trop vivre plus fort que tout, hypersensible et sauvage, dans ta tête comme dans une cage, t'as tellement besoin qu'on t'aime, que t'oublies de t'aimer toi-même. Les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. T'as tellement besoin qu'on t'aime, trop vite dans le temps d'un bivouac, c'était Isia. Il y a 7 ans, j'ai vu la manche du Loch Ness pendant 5 minutes. Mon frère, qui est le prieur du monastère ici, a vu la manche d'une manière précise. On a trouvé dans le Loch Ness des poissons qui sont originaires de l'océan Arctique. Les monstres pourraient être des animaux préhistoriques dont l'espèce a survécu par reproduction. Si chacun voulait se rendre à l'évidence, il n'y aurait aucun doute. Un homme du village de Fort Augustus, qui était inspecteur de la pêche, a vu le monstre 9 fois. Le révérend père Aloysius Carrot dans le monde insolite de France Culture. Nous étions en 1972. Benoît, oui. Grison, ce genre de témoignages, il y en a eu quantité sur le monstre du Loch Ness. Plus d'un millier. Ouais. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que s'il y avait vraiment une population de gros animaux vertébrés, comme ils sont décrits dans le Loch, on devrait les voir beaucoup plus souvent. Mmh. Par contre, le père Carrot, qui est un témoin classique du monstre du Loch Ness, illustre bien la bonne foi de la plupart des témoins, oui, au bord du lac. À part des gens qui sont des acteurs du tourisme local, la plupart y croyaient dur comme fer. À commencer par une grande partie des moines bénédictins, dont ce père Carrot, qui sont juste au bord du Loch. Hein, il y a une abbaye bénédictine. Le problème est, qu'est-ce que voyaient tous ces gens? Et en fait, on s'est aperçu au cours du temps que la solution à l'énigme du Loch Ness, qui n'était pas du tout zoologique, était multifactorielle. Déjà, la première chose, on s'est aperçu au bout de quelques décennies, parce que l'écologie du Loch était très mal connue, c'est souvent des passionnés du monstre, uh-huh, qui l'ont débrouillé, que la pyramide alimentaire du Loch Ness, qui est quand même un des lacs les plus profonds, hein, de Grande-Bretagne... Il faut décrire cet endroit quand même. Ah, c'est, oui, mais c'est un endroit fabuleux, c'est-à-dire que c'est un lac qui fait 40 km hein, du sud-ouest au nord-est, qui fait 270 mètres de profondeur maximale, et il y a 7 milliards de mètres cubes d'eau dedans. Mmh. Donc c'est impressionnant, hein, c'est une petite mer intérieure. Bon... les gens se sont mis à croire voir des animaux. C'est pas pour rien. D'abord parce qu'il y avait une tradition de dragon des eaux qui était très ancienne, d'origine celtique, qui gardait des trésors, etc. Mais les anthropologues savent bien que c'est lié au fait que les Celtes et les Germains autrefois enterraient les chefs avec leurs trésors dans le Loch, et la mythologie voulait qu'il y avait un dragon qui gardait ce trésor. Bon. Quand, en 1933, on a dégagé les bords du Loch en créant une route, et qu'on a abattu, en fait, tout un tas de conifères, eh ben, la vue a été meilleure, et les gens se sont mis à voir. Mais quoi? Bon, mais ce que je peux vous dire, pour revenir à la pyramide alimentaire, c'est qu'on sait, depuis déjà une quinzaine d'années, qu'il y a de quoi nourrir que un grand orque, un grand épaulard, quoi. Bon, hein, l'ami Willy, tout seul, pourrait se nourrir, mais certainement pas une population de mammifères. Et en fait, on s'est aperçu qu'on contribuait au mythe du Loch plusieurs facteurs. Le premier, des mirages à la surface du Loch. Il y a la réfraction atmosphérique qui fait que un tronc d'arbre, en général de pin, qui flotte, qui dérive, peut donner d'un coup l'impression d'être dressé à la verticale, au-dessus de la surface de l'eau. Il y a des vagues sans vent, parce qu'il y a plusieurs couches d'eau de températures différentes qui suscitent des vagues qui, en fait, émanent des profondeurs du Loch et qui, souvent, font à l'opposé du vent. Ouais. Et pousse un madrier comme ça à l'opposé du vent, donnant l'impression d'une volonté propre, que c'est un animal qui remonte, ouais, le vent. Et puis il y a eu ce qu'ignoraient complètement les riverains du lac, quelques phoques ordinaires, hein, le phoque commun d'Écosse, le phoque avitulina, qui avaient réussi à passer les écluses et à rentrer. Ouais. Voilà. Alors ces témoignages étaient tellement effectivement sincères et crédibles, ouais, que certains scientifiques y ont cru, ou en tout cas ont eu envie, oui, d'avoir le cœur net. Ils se sont passionnés pour cette histoire. Des missions ont été menée avec beaucoup de moyens et très, exact, sérieusement. L'actualité de ce dimanche matin nous laisse le temps de faire un petit détour par l'Écosse et pour tordre le cou à l'une des plus vieilles légendes, celle du monstre du Loch Ness. Une expédition scientifique est en passe d'établir une fois pour toutes que ce monstre n'existe pas, sauf peut-être dans l'imagination de ceux qui sortent un peu trop tard des pubs et des syndicats d'initiative de la région. Mais après tout, c'est peut-être dommage. Depuis 2 jours maintenant, à la surface du Loch Ness, 24 bateaux traquent sans succès Nessie, le monstre écossais. Une compagnie aérienne, l'Office du tourisme et une grande maison d'électronique américaine ont investi des millions et voudraient réussir le coup du siècle. Mais pour le moment, aucun résultat. Le monstre du Loch Ness et le Père Noël ont deux points communs. Personne n'a jamais pu prouver leur existence et ils rapportent de l'argent. L'opération sur le lac se termine ce soir à 18h. Une chose est presque sûre, la technique ne fera jamais disparaître la légende. Un extrait du journal télévisé en 1987. Hein, donc c'est un peu cette opération avec vraiment de façon systématique, on a scanné. Voilà. L'opération Deep Scan l'a bien nommée. Après cette opération, il n'y a plus doute ou certains y croient encore. Alors, au certains y ont cru encore un peu, mais ça n'est pas grave puisqu'on est revenu au début des années 2000 avec encore plus de bateaux et plus de sonars. On n'a rien trouvé et on ne peut pas faire une hypothèse ad hoc comme certains naïfs également sincères la faisaient, à savoir qu'il y aurait des grottes au fond du loch. Non, parce que, en fait, les roches du loch ne sont pas calcaires, c'est des roches métamorphiques, comme disait Jolloc, très dures. Il n'y a pas de grotte où pourraient se réfugier les animaux. Ouais. Bon. Donc, en fait, ces campagnes de sonar intensifs ont sonné le glas du mythe du Loch Ness. Alors, est-ce que la grande difficulté dans toutes ces histoires, c'est que, alors, il est possible de prouver qu'un animal existe, hein, on ramène le spécimen, le présente, on le voit, mais il est beaucoup plus difficile de démontrer de façon irréfutable qu'un animal n'existe pas. Il reste toujours une part C'est quasiment impossible. Alors après, il y a le statut intermédiaire pour certains animaux problématiques. Quand on trouve des indices qui permettent de poursuivre rationnellement la quête et qui tiennent, bon, on peut continuer. Par contre, il est évident que si tous les indices supposés vont contre l'existence de l'animal, je crois qu'il ne faut pas s'acharner, pas faire comme disent certains psys dans la persévération, c'est-à-dire la mauvaise persévérance un peu pathologique. Babi holos, babi pan, babi kenge wo, babi tar, babi tem lingen. Nyuki ni che longi porol, nyuki ni chorol ni yomatai, nyuki ni sros longi porola, mbai di bisoro. Divi Lord, divi Libio, divi on, divi semio, mbai divi pos, divi on, divi questio, divi Lord, divi soros, dio, nyuki ni cielo ni porol. Nyukini chol ni yomatai, nyukini soros longi porola, nyukini che longi porol, nyukini chol ni yomatai, nyukini soros longi porola. When you lingen. C'était M'Podol de Blik Bassi dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Il y a des animaux qui voyagent parce que leur instinct les pousse à le faire. Le voyage est dans leur nature. Et puis il y a des animaux qui effectuent des périples incroyables parce que des hommes l'ont décidé ainsi. C'est le cas de Leïka, la chienne cosmonaute, ou encore Zarafa, la girafe offerte à Charles X. Pour cette dernière de l'été, le journaliste Jean-Philippe Noël, auteur de Ces animaux qui font l'histoire aux éditions Delachaux et Niestlé, nous emmène à la découverte de ces animaux que le voyage a rendus célèbres, mais qui n'avaient rien demandé. Pantin d'Arnécourt qui vous parle de Moscou. En cette dernière journée de célébration du 40e anniversaire de la Révolution, on attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, Laïka, qui à bord du Spoutnik numéro 2, fut le premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Aucune indication ne peut être obtenue à ce sujet pour le moment. Aussi, seul le communiqué officiel, qui contiendra prochainement, pense-t-on, des indications sur ce point, permettra de savoir si le premier petit voyageur de l'espace a été ramené sain et sauf sur Terre, ou si au contraire, compte désormais au nombre des victimes de la science. Nous étions sur la RTF en 1957. Laïka, le premier être vivant à avoir obtenu son ticket pour l'espace, si on exclut les petites bactéries et les microbes qui avaient dû voyager avec le premier Spoutnik. Alors Laïka, c'est ce chien russe, l'histoire un peu incroyable. Pourquoi ont-ils eu envie en 1957 d'envoyer ce chien dans l'espace ? Bien, tout simplement parce qu'on est en pleine guerre froide et que c'est la naissance en fait de la guerre des étoiles, ce qui s'appellera plus tard la guerre des étoiles, que les Américains n'ont pas encore réussi à envoyer d'animaux vivants dans l'espace. Et donc les Russes, qui, comme le rappelle votre archive, fêtent le 40e anniversaire de la Révolution d'Octobre, Khrouchtchev, un mois après avoir réussi le vol de Spoutnik, ordonne à ses ingénieurs d'envoyer un animal dans l'espace. Ouais. C'est uniquement pour ennuyer et pour prouver aux Américains qu'ils sont les plus forts. Et toujours dans cette compétition, on sait comment on a choisi ce petit chien-là plutôt qu'un autre. Alors, on sait comment on l'a choisi, tout à fait. En fait, ça fait partie. Elle a été récupérée dans les rues de Moscou. Ils ont raflé une dizaine de chiens dans les rues de Moscou, et puis ils ont fait passer les tests des chiens les plus calmes et qui supportaient les mieux. En fait, je pense que ces chiens sont les premiers à avoir subi les tests pour les cosmonautes. Et c'est donc elle, Laïka, qui va être, je dirais malheureusement pour elle, sélectionnée. Ouais, parce que donc le 3 novembre 1957, donc sa fusée Semyorka s'arrache du sol de Baïkonour. Elle avance à quelle vitesse cette fusée qui propulse ce pauvre chien, chienne dans l'espace ? Elle avance à la vitesse de 28 800 km/h. Ouais. C'est quand même. Il faut encaisser le choc. Et puis Laïka fait, elle se trouve à 1600 km d'altitude et elle fait le tour de la Terre en 104 minutes. Ouais. Avant, on l'avait bardé de capteurs. Oui, on l'avait un peu. Et voilà, parce qu'en fait, les Russes expliquent, et ils vont expliquer pendant une semaine, qu'ils suivent heure par heure, en fait, l'évolution du chien et comment son organisme se comporte dans l'espace. Mmh. Et ils ne sont pas les seuls. La Terre entière, on va dire le monde occidental, vit au rythme du bip, bip, bip, qui indique effectivement où se trouve Spoutnik 2 et donc où se trouve officiellement Laïka. Mmh. Il faut savoir qu'en même temps, on assiste sur Terre aux premières manifestations anti-vivisection, on va dire. Ah oui. Il y a même une photo que j'ai retrouvée dans un vieux Paris Match où on voit des chiens qui portent des pancartes. Ouais. Non, la maltraitance des chiens dans l'espace. Et je pense que même Laïka va devenir plus rapide, plus célèbre en fait que l'exploit lui-même en fait. C'est-à-dire qu'on lui a payé un aller sans retour à Laïka. Oui, on sait qu'elle ne reviendra jamais. Hein. Alors, les discours au départ sont, mais non, elle va revenir, vous pensez bien. Quand les Russes s'aperçoivent qu'en fait cette chienne est importante, enfin elle touche l'opinion, ils essaient de mentir un peu. Ouais. On va voir qu'ils ont beaucoup, beaucoup menti en fait. Ouais. Le discours officiel quand Spoutnik rentre dans l'atmosphère, c'est qu'effectivement, Laïka est morte pendant le retour. Alors, pareil, parce qu'elle pouvait se nourrir, le dernier aliment était un aliment qui contenait quelque chose pour s'endormir en fait. Mm-hmm. Et donc ils disent qu'en fait le chien elle s'est endormie doucement. Il raconte une belle histoire en fait. Ouais, il raconte une belle histoire hein, effectivement, parce que le Spoutnik 2 se consume dans l'atmosphère au retour en 1958, ouais. C'est ça. Le dossier a été classé secret défense. Voilà, je pense que Laïka est le seul chien dont on puisse dire que la mort a été classée top secret. Ouais. Ouais. Alors évidemment, on connaît connaît enfin la vraie histoire. Enfin, c'est ce que les Russes nous disent maintenant. En 2002, qu'est-ce qu'on nous raconte? En 2002, on nous apprend alors officiellement que Laïka est morte en fait pendant le décollage, 6 à 7 heures, probablement de stress et de chaleur, juste après le décollage en fait. Et donc elle n'a jamais fait le tour de la Terre. Alors là, on remonte plus loin en arrière, après la chienne de l'espace, les chats des mers. Pendant longtemps, sur les bateaux, on emmenait des chats. Pour quelle raison? En fait, je pense que dès que la marine a existé, on a mis des chats dans les bateaux. C'était pour éviter la prolifération des rats. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que le chat aujourd'hui sont tous issus à peu près des chats d'Afrique qui ont colonisé comme ça l'ensemble des continents. La plupart d'entre eux, disons-le, ils ne sont pas passés à la postérité, non. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Il y en a un, et cette histoire vous plaît tout particulièrement, vous teniez à la raconter, alors allons-y. Parce que un peu une façon pour rendre hommage à ces animaux qui nous ont accompagnés dans nos conquêtes, puisqu'on est dans une émission de voyage, et qui ont donc voyagé avec nous sans qu'on n'en parle jamais. Et voilà, le seul que l'histoire a retenu, mais parce qu'effectivement son maître y était très attaché, c'est un chat qui s'appelle Trim, qui est né en fait sur un bateau dans l'océan Indien et qui va accompagner un navigateur qui s'appelle Matthew Flinders. C'est lui qui est le premier à cartographier en fait le tour de l'Australie. Ouais. Et donc ce chat va l'accompagner dans tous ses voyages pendant 3 ans. Et malheureusement pour Flinders va se faire arrêter sur l'île de France à La Réunion parce que à l'époque il voyage, il s'arrête là parce que son bateau a besoin de réparation et il est jeté en prison parce qu'il y a une guerre, les guerres napoléoniennes ont commencé et Flinders est jeté en prison et le chat va disparaître à ce moment-là. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Flinders va tout écrire pendant 6 ans, il a le temps, il va faire de ses voyages, il va cartographier l'Australie. Quand il est en prison, c'est lui qui va proposer même le nom d'Australie pour le continent. Et puis, il va consacrer les 15 dernières pages à ce chat qu'il a accompagné. Il rend hommage à Trim. Et récemment, une statue, je crois, a été érigée de ce grand marin avec à ses pieds son chat Trim. Exactement, à Londres. Vous avez eu du mal à les trouver, ces 50 histoires d'animaux, ou au contraire, vous avez dû faire du tri et il y en avait plus que ça? J'ai commencé il y a 10 ans à raconter ces histoires pour les enfants dans le magazine 30 millions d'amis. Ouais. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire ça pendant 2-3 ans, je connaissais les principaux, et puis au bout de 2-3 ans, je passerai à une autre rubrique. Et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait plein. Certaines de notre côté de l'Occident que je ne connaissais pas, mais aussi les New-Zélandais ont leurs histoires, les Africains ont leurs histoires, l'Australie a ses histoires. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, les animaux rentrent de plus en plus dans l'histoire générale de l'humain. Donc on va rechercher en fait les animaux de plus en plus. Et parmi ces bêtes, il y en a une que l'on a fait venir de très loin, bien que ce ne soit pas forcément une mince affaire de la faire voyager, comme en atteste cette lettre reçue à Marseille. Préfecture des Bouches-du-Rhône, secrétariat général... Marseille, le 28 octobre 1826. Messieurs les intendants de la santé publique à Marseille, je suis informé par monsieur l'agent des affaires étrangères que sur le brigantin Les Deux Frères, capitaine Manara, il a été embarqué en Égypte pour la ménagerie du roi une girafe, 3 vaches qui fournissent le lait pour sa nourriture et 2 antilopes mâles et femelles. Ce brigantin se trouvant actuellement en quarantaine, je dois vous recommander de donner des ordres pour que ces animaux reçoivent tous les soins nécessaires et que la girafe surtout soit placée dans un logement d'une température convenable. Tant de précautions pour transporter cette girafe et puis tout l'attirail et tous les autres animaux autour pour pouvoir la nourrir. Jean-Philippe Noël, nous sommes donc dans les années 1820. Pourquoi on entreprend ce long voyage pour cette pauvre girafe? Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau d'un sultan pour un roi. C'est un cadeau destiné à Charles X, la fameuse girafe de Charles X. Et donc, quand vous devez transporter un tel cadeau, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elle arrive entière. Et vous devez donc prendre toutes les précautions, et toutes les précautions seront prises effectivement pour que celle qu'on appellera par la suite Zarafa arrive vivante et bien vivante au Jardin des Plantes à Paris. Alors avant de la transporter, il a fallu la capturer. Je crois qu'on a tué sa mère girafe. Le début de l'histoire n'est pas très glorieux, on le raconte souvent peu. Oui, d'abord parce qu'en fait, on n'a pas d'écrit. Ouais. Nous, on connaît Zarafa à partir du moment, je dirais, où elle rentre sur le sol français. Avant, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait à peu près comment se passait ce genre de commerce. Donc effectivement, on tuait généralement la mère, qui servait de nourriture aux populations locales, et on récupérait les plus jeunes des animaux, qui étaient ensuite convoyés à leur destinataire. Leur destinataire qui souvent étaient des seigneurs locaux. C'est effectivement exceptionnel qu'une girafe entreprennent un voyage outre-Méditerranée. Oui, c'est vraiment très rare. À l'époque, en France, Peu de gens ont déjà vu une girafe quand elle arrive. Je pense que personne n'a jamais vu de girafe à l'époque. Ouais, ouais. Elle arrive le 31 octobre 1826, elle pose le pied en France, elle arrive par Marseille, hein, on l'a compris par cette lettre que l'on vient d'entendre. À cette époque, qu'est-ce qu'on sait exactement des girafes dans la population ? Rien. Rien. Il y a même une très grande peur à Marseille, parce qu'elle a été débarquée de nuit, et les gens imaginent, ils ont vu un truc immense arriver, on parle même, on dit même qu'elle est recouverte d'un tissu, et donc les gens ont très peur, ils ne savent pas du tout ce que c'est, et ça jase pas mal dans Marseille à l'époque. On parle d'un monstre, on se demande ce qui vient d'arriver par bateau à Marseille, si bien qu'on peut imaginer la réaction de Charles X quand on lui offre sa girafe. Allons, monsieur de Saint-Hilaire, ne nous faites pas attendre plus longtemps. Voilà, votre majesté, cadeau du pacha d'Égypte. Magnifique, splendide, merveilleux. Saint-Hilaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une girafa camélopardalis. Je veux dire, une girafe, votre majesté. Une girafe? Oh, mais quelle belle girafe! Vive la girafe du roi! Extrait du dessin animé Zarafa. On n'y était pas, mais ça s'est peut-être passé comme ça. Probablement passé comme ça, oui. Jean-Philippe Noël. Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'entre Marseille et le moment où elle arrive à Paris, elle reste à peu près 6 mois à Marseille, le temps quand même de se refaire un peu une santé, parce qu'elle a quand même fait une grande traversée en Méditerranée. Et puis, dès les beaux jours, au mois de mai, on décide de la faire remonter. Oui. Et on ne sait pas comment. Est-ce qu'on la fait remonter via les fleuves ou est-ce qu'on la fait remonter à pied? Et on décide de lui faire traverser la France à pied. Où les gens, parce que là, on a les réactions du roi, mais il faut aussi imaginer les gens, les paysans, qui voient débarquer ce qu'on voit un peu étonnant, où elle suit en fait en permanence 3 vaches. Elle va déclencher une véritable girafomania, hein, c'est le mot qui a été employé. Et c'est le mot qui est toujours employé, effectivement, pour raconter pendant les 6 mois qui ont suivi son arrivée. Il y a d'abord les milliers de personnes qui venaient la voir chaque jour, et puis la mode est devenue à la girafe. Alors on se coiffait à la girafe, on mangeait à la girafe, tous les instruments de table, de vaisselle étaient décorés par la girafe. Mmh. Et effectivement, pendant 6 mois, 8 mois, il va y avoir cette folie de la girafe à Paris. Exactement. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Jean-Philippe Noël? L'idée, c'était de nous amuser avec ces petites histoires où derrière, il y avait aussi cette idée de peut-être un peu remettre à l'honneur ces animaux et puis aussi se remettre en cause, nous, un peu, sur ce qu'on leur fait faire parfois. Ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet des animaux. Et c'est de rappeler aux gens qu'il n'y a pas d'histoire humaine sans animaux. C'est-à-dire que la première chose que les hommes vont représenter sur les cavernes, ce sont des animaux. On parlait des animaux qui nous ont accompagnés dans la guerre, on parle des animaux que l'on mange, on parle des animaux qui nous servent dans nos recherches scientifiques. L'animal est partout présent et pourtant les historiens ont mis des années à s'intéresser à la place de l'animal dans l'histoire. Ça date juste en gros d'il y a une dizaine, quinzaine d'années. Ravi de vous avoir connu, un de ces jours, à la semaine prochaine. Ainsi s'achève cette 7e saison du Temps d'un bivouac. Avant que nos tentes ne s'envolent définitivement, je voudrais adresser un immense merci à la formidable équipe de baroudeurs tout-terrain qui m'a accompagné tout l'été. Merci aux réalisatrices et réalisateurs pour la mise en onde de nos excursions. La pétillante Marion Lelay qui a insufflé son dynamisme et sa bonne humeur à l'émission en juillet. Et l'ambianceur Clément Nouguier qui a brillamment pris le relais en août. Merci aux 2 attachés de production sans qui je ne serais rien. Vous avez entendu leur voix et leur talent hier en fin d'émission. Sophie Vaux qui sait garder son calme et sa pertinence dans la tempête. Mathieu Aoued qui déborde d'idées et d'enthousiasme quoi qu'il arrive. Merci aussi aux stagiaires Juliette Soudarin et Océane Théard pour leur aide précieuse et leur bonne humeur. Merci également aux techniciens de France Inter qui ont pris la route avec nous. Et un immense merci à vous, amis auditrices et amis auditeurs, de nous avoir suivis dans nos explorations. Pour prolonger le voyage, tous les bivouacs de l'été sont encore disponibles en podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Antoine Decaune à 16h et Charline Vanhoenacker et toute sa bande à 17h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès samedi 31 août pour une nouvelle émission, tous les samedis de 15h à 17h, du Vent dans les synapses. Un nouveau magazine de 2h pour explorer le monde des sciences et exercer sa curiosité tous azimuts. Promis, un parfum de bivouac soufflera sur la 2e heure du nouveau magazine scientifique de France Inter, du Vent dans les synapses. À samedi 31 août, 15h, pour une nouvelle aventure.